Bon, alors bienvenue pour un nouvel épisode de Podcorn un peu particulier. D'ailleurs, toute la saison risque d'être particulière parce qu'on est en pleine restructuration. Mais quand on fait des podcasts, il y a des choses qu'on ne peut pas louper. Par exemple, quand on reçoit un petit message qui dit « Dis donc, Arthur et moi, on aimerait bien parler d'un film », eh bien, si Arthur vient, on dit oui. Et donc, ce soir, on va recevoir Arthur Froment. Bonsoir à tous. C'est la première fois que j'interviens dans un Et... podcast vraiment parler de vos cinémas. Je ne compte pas VHS et canapé. Bon, c'est un peu particulier, donc je ne raconterai pas. Et avec nous, bah, le procureur de chez Mergreen, l'habitué du micro à mes côtés, le corbeau. Eh oui, bonsoir à tous. Ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous écouterez ça. Voilà, ou bon après-midi, ou bonne nuit, on n'est pas sectaire. C'est ça. Et le film dont on va vous parler aujourd'hui, eh ben, cette circonstance, il va s'agir de L'Aube rouge, où les Soviets envahissent les États-Unis. On va le résumer grossièrement comme ça. Qui veut présenter rapidement le film, le réalisateur peut-être? Alors, je vais présenter rapidement. Alors, déjà pour l'aspect un peu technique, si vous cherchez le film, il est disponible actuellement sur MyCanal parce que j'ai vérifié plusieurs fois avant voilà, de manière totalement légale, il est disponible actuellement sur MyCanal si vous voulez le voir en bonne qualité. Et il y a eu une édition Blu-ray éditée par MGM United Artists en 2014 ou 2015, voilà. Alors, j'ai vu voilà, un aspect technique totalement correct, parce qu'il y a des suppléments aussi concernant le film. Bon, c'est pas des suppléments incroyables, compte tenu du film en lui-même, c'est pas une édition collector ou ultra limitée, mais en tout cas, oui, si vous voulez le voir en support physique ou en VOD, ou même chez votre oncle d'Amérique, des années après sa sortie, vous avez une multitude de choix pour le voir. Concernant l'histoire, alors c'est un peu compliqué parce que honnêtement, il y a une attaque des États-Unis par les soldats russes qui tirent sur tout ce qui bouge, qui intervient un jour quasi paisible dans une petite ville ou une agglomération des États-Unis. Et on suit le parcours de six jeunes gens. Donc c'est plus un teen movie en fait, où on suit principalement leur parcours pendant divers péripéties pardon, pour échapper au massacre et organiser une survie avec les moyens du bord et de manière totalement dérisoire dans la montagne. Et bon, bah, ils essayent un peu de s'organiser pour lutter contre la liberté de leur propre pays, les États-Unis, menacés absolument de partout. Voilà, en quelques gros, la trame du film, sachant que si vous voyez la bande-annonce en version originale, bon, bah, il y a beaucoup de choses qui sont dévoilées dans la bande-annonce du film. Hein. En tout cas, les trois quarts. Ouais. En même temps, c'est pas un gros film à spoiler, à part peut-être le final. Et c'est vrai que rien que l'attaque des Soviétiques, parce qu'il n'y a pas que les Russes, il y a vraiment des Vénézuéliens, je crois, des Mexicains, Des enfin. Cubains. Des Cubains. Cubains. Des Cubains, oui, tout un côté, du coup, vraiment soviétique. Elle est quand même éclair, elle se passe. Allez, les 5 premières minutes de film, ça y est, il y a l'attaque qui est là, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est pas C'est-à-dire, vraiment ça la on surprise. installe d'emblée assez rapidement pour un scénario assez complexe de troisième guerre mondiale, avec de l'attaque de partout, de tous les côtés, c'est faut quand même un peu suivre, hein, parce que il y a des moments... On... Et pourtant, d'un autre côté, vu qu'on est fixé que sur les jeunes, on est comme eux, on est un peu dans le flou. Ouais, on est dans le flou et on oublie complètement l'aspect militaire, l'aspect purement politique, etc. C'est ce que je reproche un petit peu au film, on ne sait pas vraiment si c'est le début d'un scénario qui donnait suite à plusieurs séries de films, ou est-ce que c'était une tentative de série de téléfilms ou de séries télé, de pilotes de séries télé pour entamer plus tard un développement plus développé, en tout cas dans le camp ennemi, à l'instar de la série V par exemple. Ah ouais, j'ai vraiment l'impression que c'était fait pour être une sorte de teen movie, la guerre à hauteur de ce petit groupe de jeunes et de cette petite ville du Midwest. Oui, d'où le côté très MTV, donc bah, forcément MTV, si vous avez tombé dessus sur YouTube, sur les différents interventions, programmation, publicité de l'époque, bah, il figurait sur la liste en tout cas pour 1984. Alors c'est vrai qu'il parlait plus ou moins de l'aspect héroïque de ces 6-0, parce que bah, forcément la cible aussi de MTV à l'époque, c'était une cible assez jeune, ado, voire jeune adulte. Donc forcément, ça collait parfaitement au climat, ou pour vendre en tout cas le film. C'est pas faux. C'est vrai que j'avais pas vu le rapport avec MTV. Les ah bah, 1984, que... hein, donc je peux dire que ce type de c'est film, vrai. À ouais, travers ouais. Un Ghostbuster ou même Wargame un an auparavant, c'est typiquement le type de film qui peut être mettre en avant à travers de nombreuses publicités ou côté un peu promotionnel du film. Bon, là, c'est plutôt pour la MGM, vu que MTV, c'est plutôt Viacom, la Paramount. Mais voilà, on est clairement dans un truc, dans une vibe MTV, teen movie, mais avec des ambitions beaucoup plus adultes en arrière-fond. Bah oui. Le réalisateur, c'est John Milius, déjà. Donc, oui, voilà, donc c'est pas un petit dans le milieu. Et puis c'est ce qui a permis aussi le côté bouche à oreille plutôt positif, ou en tout cas la curiosité par ce film. Et peut-être aussi le côté militariste qui va un peu à l'encontre. Qui va toujours avec le personnage. MTV. Aussi. Et qui va avec le personnage de John Milius. Peut-être que le Corbeau voudrait nous en dire un peu plus sur John Milius. Alors John Milius, c'est un réalisateur américain qui est toujours en vie, qui est plutôt jeune. Il a les 70 ans bien entamés, hein, pas loin des 80. Voilà, donc il est quand même réalisateur, entre autres, du chef-d'œuvre qui est Conan le Barbare. Oui. Voilà, ça vous pose déjà le personnage, quoi. Donc, il est toujours très... Il est un petit peu bizarre comme type, hein. Il est très militariste dans l'âme, très... même plus que militariste, très guerrier, voilà. Ses films sont toujours... mettent toujours en avant la guerre ou le combat de personnes. Bah, il est scénariste et puis il a fait un autre petit film que visiblement personne n'en a entendu parler qui s'appelle Apocalypse Now. Oui, il était scénariste dessus, effectivement. Scénariste dessus. Voilà. Et puis aussi Le Lion et le Vent qui est dans un thème un petit peu plus Laurence d'Arabie, mais qui aussi figure en tant que scénariste. Pour revenir dans l'aspect série télé, Rome. Et puis également L'Aube Rouge, le remake de 2012, en tout cas, qui est crédité en tant que scénariste, si je dis pas de bêtises. Ah bah ils ont dû reprendre le scénariste original. Je vois mal cautionner le remake, bizarrement. Avec un bon chèque, ça passe toujours, quoi. Ah oui, méthode Carpenter, quoi. C'est ça. C'est possible. Je pense qu'il est, il est crédité, mais en fait, il est crédité depuis pour son scénario original qui a été retravaillé. Oui, voilà. C'est ça. Donc, c'est d'où le côté interrogation par rapport à ce film que j'ai découvert plus L'Aube Rouge de 2012 que l'original de 1984, curieusement. Bah, ce sera peut-être l'occasion de parler un peu du remake tout à l'heure, si tu l'as vu et que tu l'as découvert en premier. Sera oui, je l'ai découvert en premier par rapport au film de 84, exactement. Blu-ray cinéma. Pas mal. Donc on parlait tout de suite de John Milius, qui était quand même quelqu'un, on pourrait dire, d'ambigu. Oui, légèrement ambigu. C'est quelqu'un qui, justement, qui a toujours mis en avant la guerre, le combat, dans certains de ses films. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui, à la base, voulait s'engager dans l'armée et a été réformé pour problème de santé. Voilà. Il y a ce petit côté un petit peu... Il me fait penser de ce côté-là à John Wayne, qui a toujours véhiculé des valeurs patriotiques et un peu va en guerre et qui aurait pu s'engager lui-même pendant la guerre, pour se battre vu son âge, et qui ne l'a jamais fait, qui a préféré privilégier sa carrière et qui ensuite à l'écran a montré toujours un certain militantisme très, je veux pas dire patriotique, un militantisme très très patriotique et très voilà très virulent, hein, notamment après la guerre pendant le McCarthyisme, il a été très très voilà. Il n'était pas du bon côté, si je puis dire. Quoi. Je pense que John Wayne est moins ambigu que Milius, pour le coup. Je ne sais pas. Il y a une petite hypocrisie de l'homme qui n'a pas voulu partir à la guerre. Et j'avais vu un reportage là-dessus il y a longtemps, un documentaire sur John Wayne, où justement, il avait demandé s'il devait partir ou pas. Il n'est pas parti pour privilégier sa carrière. Et peut-être, bah, malgré tout, je ne peux pas lui jeter la pierre. T'as le droit d'avoir la trouille d'aller à la guerre. C'est complètement humain, quoi. Mais après, il a défendu... il a passé son temps à défendre des valeurs et être assez... promoteur, par exemple, notamment pendant la guerre du Vietnam, il a fait un film qui s'appelle « Les Bérets Verts ». Qui même à l'époque avait entre parenthèses choqué pour c'était un pro-intervention au Vietnam, alors que bon, l'Amérique à cette époque s'interrogeait déjà beaucoup là-dessus. Oui, Vietnam c'est une plaie. Ouais, et donc John Milius, bon, il a peut-être pas c'était juste une comparaison, hein, ils sont pas totalement identiques, et John Milius a toujours eu, on le voit notamment dans Conan, il a toujours été très met en avant l'homme seul, ou quelques hommes disséminés, seul face aux événements, et qui se relève, qui lève la tête, et qui combatte. On peut dire que c'est quelque chose qui apparaît dans chacun de ses films, peut-être pas de façon aussi franche, mais c'est un sous-texte qu'on retrouve assez souvent. Oui, très clairement, le côté, là, pour le coup, pas vraiment patriotique ni guerrier, mais le code d'honneur, le personnage qui reste jamais à genoux, qui est toujours de front et à se battre, oui, c'est quelque chose qu'on trouve souvent. Voilà. Et je trouve que, justement, pour revenir un petit peu à l'Aube Rouge, c'est en quelque sorte le film somme de John Milius. T'as vraiment tout ça à la fois, t'as un côté très très humaniste dans l'Aube Rouge, notamment quand les héros retrouvent un de leurs pères, puisqu'ils ne sont pas tous frères forcément, mais ils retrouvent un de leurs pères, et cette scène-là est quand même assez j'allais dire tire-larme, non, elle est assez touchante, elle est assez humaine. Il y a beaucoup de moments très humains qui sont vraiment où on se dit, ça, c'est écrit par quelqu'un, j'allais dire de désabusé par rapport à la guerre, mais quelqu'un qui a l'air de vouloir nous dire, de toute façon, la guerre, on est tous perdants. Et la scène d'après, tu vois le mec qui est vraiment va en guerre, tu dis, il a vraiment un conflit intérieur, c'est pas possible. Oui, mais en même temps, moi j'ai vu personnellement l'Aube Rouge, la version de 84 en premier, hein, et comment dire, le film est moins bourrin et moins réganien finalement que la version de 2012. Oui, c'est ce qu'on pense. C'est ce que je me suis dit aussi, c'est que finalement. On remet dans son contexte avec le bleu rouge, il y avait le côté l'armée soviétique, il y avait le côté guerre permanente entre les deux qui pouvait déclencher. La guerre froide, on était en pleine période de guerre froide. Voilà, c'est ça, quoi, le côté Reagan au pouvoir, le côté aussi des scénarios de guerre ou de d'invasion de tous les côtés, à commencer par Wargame ou Rambo 2 par la suite, Rocky 4. Ou invasion USA. Voilà, Firefox, l'arme absolue. Donc... Top Gun, enfin voilà, dans toute cette période où le héros était l'Amérique qui se relevait et qui luttait contre le communisme et tout ennemi extérieur. Quoi. Tout ennemi extérieur des trois. Je commence par ce carton où il dit que les soviétiques, entre guillemets, conquis le monde et America stand alone. Quoi. C'est ça. C'est ça, mais finalement, debout seul L'Europe est clairement indiquée comme étant abaissée d'armes. Elle est neutre. L'Europe est neutre. Ouais. Voilà, c'est plus que l'Amérique contre. On le voit très rarement, le côté européen. Mais voilà, dans ce film-là, il y a quand même. C'est moins. Je trouve que glorifiant, je trouve. Disons qu'il y a un côté beaucoup plus terre à terre par des moments où tu dois improviser un petit peu dans le contexte, dans l'urgence, dans la situation. Alors que dans le remake de 2012, j'ai l'impression que tout était gonflé à hélium. Très fine d'exploitation, mais alors à la stéroïde de façon expandable ou le meilleur de Steven Seagal. J'ai dit le meilleur. Hein. Donc oui. Voilà, le côté, voilà, on est fort, on est résistant, et tant pis si on n'a pas des séquelles ou des traumatismes un peu par la suite. C'est ce qu'on retrouve. On pourra en parler à la fin, comparer un petit peu les deux films. Il y a vraiment un fossé dans de très nombreux domaines. Oui, voilà. Petit point important aussi que je voulais ajouter, c'est que le film, à l'époque de sa sortie, était classé PG-13. Donc, parce que la violence était assez importante au niveau graphique et avec des exécutions frontales, excusez-moi. Donc voilà, c'est pour ça que MTV, en tout cas dans la période de l'époque, a bien maintenu sur le fait que le film, bien qu'il adressait quand même un public plutôt large entre ados et adultes, mettait un peu en garde quand même contre certaines scènes assez impressionnantes pour l'époque ou qui peut être un petit peu... enfin, on va dire, de choquer la nature ou la sensibilité de certains spectateurs, en tout cas à l'époque du film. Et il y a eu aussi, dans, je crois, sur le site internet, les résultats en France qui n'étaient pas forcément faramineuses. Oui, voilà, c'était 200, presque 300 000 en fait, entrées dans le box-office en France. Ouais, mais lui, ça n'a jamais été un gros collectionneur de box-office. Hein. Ces films sont devenus cultes. Oui, ils sont devenus cultes sur la suite. Mais après... c'était rigolo de voir un petit peu, de constater au niveau des fixes, du box-office ou de la réception, en tout cas en France, pour ce style de film. Alors, 300 000, c'est pas honteux hein, en 1984, non. Mais bon, bien évidemment, des gros succès de l'époque que sont Ghostbusters ou Rocky 4. Bah, faut avouer que Ghostbusters ou Rocky 4 sont quand même beaucoup plus feel-good. Oui, voilà, feel good, divertissant, oui. Et on était en plein rouleau compresseur de la pop culture popcorn qui va en rouleau, en fil droite, en filigrane, un petit peu avec le côté divertissant de l'Amérique et non le côté patriotique. Pardon. This is the emergency broadcast system. We are under attack by conventional forces of the Russian army. It is believed the lead waves were disguised as commercial charter flights. Communications have broken down with other parts of the country. Large areas of the Midwest may have been overrun. Know who all of you are, they're looking for you. You're 40 miles behind the enemy lines. I just want to go home. They took a lot of people away. Where's my dad, Mr. Eckert? I want to love somebody, Andy. I'm gonna die before it happens. Josh, they're gonna kill us! All of us! So why should we be different? Because we live here! Not bad for a bunch of kids, huh? Mama'd be real proud. Ouais, parce que là, c'est vrai que si on va sur l'aube rouge, le côté divertissant, là, les images sont très belles, la musique de Paulette Doris est sublime, mais on peut pas dire que ça passe comme une lettre à la poste. Quoi. Non. Ah oui, c'est pas joyeux. Non. C'est ça. Et pourtant, il y a des petits moments où tu dis, ouais, en fait, ça va être un peu cool au départ. Tu les vois qui campent et tout, tu te dis, bon, malgré quelques scènes dures comme l'exécution des parents ou des trucs comme ça, sur la première moitié du film, tu peux quand même te dire, bon, ça va, c'est quand même plutôt... c'est à la cool. Il y a des petits moments, et plus le film avance, et plus il est noir, en fait. Ouais, complètement. Il est très sombre. Et d'ailleurs, en fait, le côté, il est très sombre, hein, et le côté anti-militariste se dénote, enfin anti-militariste non, pas vraiment, mais un peu ambigu et pas aussi frontal. La guerre est que jamais, la guerre est jamais, comment dire, est glorifié. Jamais magnifiée. Non, pas voilà. Là. Ni magnifiée ni glorifiée. Voilà. Et les héros entrent réellement dans la guerre à partir du moment où ils se sont fait griller une fois et qu'ils sont obligés d'en tuer pour se défendre. Et c'est à partir de là qu'ils commencent le mouvement de résistance. Avant ça, ils sont cachés. Ils veulent pas du tout combattre. Et moi, c'est vrai que quand j'ai attaqué l'Aube Rouge, connaissant un peu milieu, c'est la réputation du film, je m'attendais vraiment à un film va-t-en-guerre, vraiment frontal. Et la première demi-heure, je suis un peu resté sur le cul en me disant, je crois que là, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ouais. Et une fois ce moment-là passé, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est plus à ça que je m'attendais quand même, où ça fait de la guérilla, ça tue du russe. Et à chaque fois, il y a des scènes entre les héros, au fur et à mesure qu'ils décèdent quand même les uns après les autres, hein. Où plus ça va, plus c'est noir, et plus le côté humain prend le dessus sur tout le reste, en fait. On commence à en avoir un petit peu rien à foutre, en fait, qu'il fasse une résistance ou pas, tout ce qu'on veut, c'est qu'il survive. C'est ça, et surtout, ils ne deviennent pas des machines de guerre, ils font, ils font de la guérilla, mais ils ne, comment dire, ça sera une comparaison dont on parlera avec le film de 2012. Aucun n'est un militaire professionnel. Ce qu'ils savent des armes, c'est que c'est des Américains qui vivent dans un coin un peu reculé à la campagne avec et qui chassent, quoi, tout simplement. C'est ça. Parce qu'au début, ils commencent, ce sont des chasseurs, donc ils savent utiliser un fusil, mais ce ne sont pas des militaires. Ils ne sont pas entraînés dans la survie, en fait. Ils ne sont pas entraînés. C'est même pas des tueurs. Voilà, c'est ça. C'est même pas des tueurs. Ils n'ont même pas eu des connaissances ou des personnes qui ont été engagées dans l'armée les années auparavant, en tout cas. Ouais. Bah, vu l'époque à laquelle se passe ce film, on peut supposer quand même qu'ils ont dans leur famille quelqu'un qui a fait le Vietnam juste avant. C'est possible, oui. Mais c'est pas vraiment souligné, en tout cas, dans la partie. Ah, c'est pas dit. Je dis qu'on peut le supposer, mais effectivement, ce n'est pas dit du tout. Oui, c'est pas amené en aucune façon. D'ailleurs, le premier combat qu'ils ont contre les trois militaires, là, contre les trois soviets en haut de la montagne, là où il y a la plaque, c'est leur premier mort. C'est confus. La bagarre est confuse, oui. C'est-à-dire qu'il c'est confus, il s'enfuit, finalement il réussit à les tuer avec un petit peu de chance, etc. Il y en a un qui se fait exécuter, mais déjà c'est hors champ, et enfin tu sens toute la douleur et la complexité de la chose, quoi. C'est jamais gratuit. C'est jamais graphique surtout, c'est pas vraiment un truc millimétré ou chorégraphié ou... Les seuls trucs que la guerre, la violence n'est jamais esthétisée, non. Jamais. Ouais, le seul truc que j'ai trouvé graphique, c'est les exécutions. Elles sont graphiques dans le sens choquant. Tu vois bien les mecs alignés qui tombent comme des dominos. D'où l'interdiction, mais pas magnifié. L'avertissement de l'époque aux États-Unis. Mm-hmm. Qu'ils ont bien insisté sur le PG-13 pour ce type de film, en tout cas. Ou sensibiliser les adolescents et les adolescentes, voilà, que rien n'est simple. Dans la vie, même dans des conflits armés où tu dois constamment... Pourtant, ça peut paraître simple. Oui, ça peut paraître simple à l'écran, mais je pense que le film a remis un peu les pendules à l'heure avec aussi Wargame, mais dans une toute autre structure, une toute autre façon. Une autre tonalité, ouais. Voilà, que forcément, on est maître de son destin, qu'on le veuille ou non, mais dans des situations à l'instant T ou à l'instant... d'extrême urgence, même quasi cruciale, tu peux pas forcément décider à l'avance de l'échapper ou de l'issue fatale qui soit bénéfique ou même totalement désastreux. Et les personnages sont aussi assez fins, donc c'est des ados et qui ressemblent à peu près, enfin, à des ados, ouais. Ouais, qui jouent au foot, des vieux. Ados américains qui, enfin, oui, ils ont. Qui jouent au foot. Ouais, et on commence en plus par une scène, les parachutistes tombent près d'une école. Mm-hmm. Voilà, ils sont mitraillés sauvagement, donc ça, cette violence aussi, justement, on n'hésite pas à montrer un gosse qui s'est pris une balle dans la tête et qui a traversé la vitre, quoi. Oui, c'est vrai. Il reste coincé comme ça, la violence. Mais tous les personnages sont assez, sont pas trop mal définis, quoi. Patrick Swayze est le plus vieux de tous, il est plus à l'école, c'est mais lui meneur. Non plus c'est pas un héros, il travaille dans un garage, et il décide de s'enfuir dans les montagnes tous ensemble, et puis après il se regroupe, t'as les conflits de personnes aussi, parce que se lancer là-dedans, au début ils ne se lancent pas dans la guerre, au début ils veulent juste se planquer, à attendre de voir ce qui se passe. Et encore, même là, t'en as qui veulent se rendre... Qui veulent aller se rendre pour avoir la paix. Et ce qu'on peut noter aussi... ce sont les deux personnages féminins qui ne sont pas des deux, à aucun moment qui ne sont des demoiselles en détresse, oui, à sauver. C'est le point fort du film. Leur grand-père au début. Oui, c'est des femmes fortes. Et surtout, elles rentrent dans le combat. Voilà, elles aussi, elles sont complètement inexpérimentées, pardon. Mais elles rentrent dans le combat, voilà. À aucun moment, il y a un côté paternaliste avec elles. Elles se battent, c'est des guerrières et, bah voilà, c'est en 84 et on a des vrais personnages féminins bien amenés. Bien forts, badass, pas... mais sans forcément être côté démonstratif. Juste, il faut survivre, il faut se battre et être déterminé à jouer des pièges, à être. Prendre un pion d'avance qui ne va pas forcément durer vers le temps, puis tu vois des personnages féminins vraiment fortes pour 1984, et c'est ce que je voulais voir à l'écran. Pas mal de... Oui, et c'est pas artificiel aussi, parce que malheureusement, souvent, on met maintenant les personnages féminins en avant, ce qui est pas plus mal, enfin, ce qui est bien en tout cas, mais souvent, c'est tellement amené à la truelle. Oui, quoi, c'est amené de façon peu subtile ou pas très bien desservie par rapport à une histoire, quel que soit dans le genre guerre ou dans le genre horrifique ou dans le genre fantastique. Donc. Oui, ça fait un peu forceps, quoi. On te l'impose, alors que là, c'est naturel. Oui, c'est naturel parce que tout le monde est concerné et tout le monde, chacun agit à sa façon pour pouvoir se défendre, pouvoir se combattre au moment. Et en plus, avec le fait qu'il n'y a pas forcément de communication à outrance, le fait qu'il n'y a pas forcément d'actualité ou des chaînes d'infos qui circulent d'heure en heure, j'ai pas forcément le côté années 80 avec CNN en tête. Mais voilà, la radio reste quand même un moyen pour pouvoir s'informer, même de façon assez volatile, parce que tout peut être évolutif et progressif d'heure en heure, de minute en minute, à laquelle la situation est en train d'avancer, en tout cas dans le camp ennemi. Mais d'ailleurs, on voit même qu'eux, ils sont totalement ignorants de la situation dans laquelle ils sont. Oui. Quand ils trouvent le pilote, le premier truc qu'ils font, c'est lui demander « Bon, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Alors que c'est quand même 2 à 3 mois plus tard qu'ils trouvent le pilote. C'est ça. Au début, ils sont dans leur petite zone et tout, ils mènent leur petite guerre, quoi, sans savoir ce qui se passe et dans le monde et aux États-Unis, etc. Donc, d'ailleurs, à noter, il y a quelques vieux briscards dans ce film qui apparaissent. Déjà, le pilote, c'est Powerbooth. Ouais, une bonne trogne, hein. Lui, une bonne trogne de cinéma, hein. Plutôt habitué en général au rôle de méchant, hein. Il a une tête à ça en général. Ouais, hein, d'ailleurs, il joue un des méchants dans Deadwood. Voilà. Et il fait souvent du salopard, mais c'est vrai qu'il a quand même un petit peu la tête à ça, quoi. Et puis il y a aussi un acteur un peu plus peut-être oublié maintenant. Mais c'est Ben Johnson, qui était un acteur fétiche de Sam Peckinpah, qui a joué notamment dans La Horde Sauvage, qui fait le grand-père qui confie ses deux petites filles, donc les deux héroïnes du film, au héros. Voilà, donc c'est un acteur américain qui a fait quelques grands westerns, notamment Rio Grande, Le Convoi des Braves, et puis bien sûr, comme je disais, La Horde Sauvage, qui est peut-être un des plus grand western et un des plus violents qui peut exister, quoi. Voilà. Donc il y a quelques vieilles trônes, quelques acteurs qui ont de la bouteille. Oui, de seconde, aussi, de seconde main, du côté un petit peu petit rôle ou moyen rôle, mais qui reste quand même assez important à l'égard du film. Et ça fait plaisir de les voir. Oui, totalement. Voilà. Et au niveau du cast, on peut aussi parler du casting global, non ? Qui est quand même pas mal. Oui, on peut. Ah oui, il est même plutôt propre, hein. Donc on a Patrick Swayze en chef. Oula. On a... Désolé pour Craig qui vient de revenir. Ah, excusez-moi, parce que ça m'a un peu perturbé, en fait. Je pensais que c'était moi. Oui, excusez. Non, c'est moi. Il a coupé, je l'ai relancé parce qu'il avait coupé, juste. Ah, d'accord. Bon, autant pour moi. Donc, tu disais, Corbeau... Donc, on a Patrick Swayze en chef, hein, c'est le chef de la bande. C'est Thomas Howell, hein, bon, qu'on connaît un petit peu moins bien maintenant, peut-être, parce que il a été très présent dans les années 80. Après, sa carrière a été un petit peu plus confidentielle. Il a joué un petit peu dans des rôles assez aléatoires. Il était présent dans la saison 2 de Creepshow. Après, il était souvent dans des téléfilms un peu moindres comme le Noël de Belle. Alors bon, c'est, alors on est vraiment dans le style de téléfilm d'exploitation d'une certaine période. Donc, et je crois qu'il est dans E.T. l'extraterrestre, non? Tu vas le confondre. Ah non, t'as raison. Il est dans E.T. Il est dans E.T. et comment dire, c'est. Il a aussi été dans Hitcher. Voilà, c'était ça. Je cherchais. Oui, ce, voilà. Ce film-là. Et après, il a voilà, il a fait pas mal de doublage aussi du côté de des films DC. Donc le côté DC animation, je précise. Donc Suicide Squad, Le Prix de l'Enfer. C'est voilà, c'est pour ça que le nom me revient. Il était aussi présent dans des aventures de la Ligue des Justiciers, Dieu et Monstre. Là, je pars vraiment en connaisseur. Et après, tout un tas de téléfilms de Christmas Dog, de Chat de Noël, de Chien de Noël. Donc je vais plutôt éviter d'en parler. Oui, ça, c'est pour Péliprod, ceux-là, plutôt. Ouais, les films de chiens, c'est leur chasse gardée. Mais c'est non ça. Si mais bon, voilà, il n'y a pas de sous-métier. Donc ouais. Il fait principalement du doublage pour DC, animation, et puis bon, bah, des films d'exploitation. Donc on avait donc c'est Thomas Howell, Léa Thompson qui était la mère de Marty McFly dans Retour vers le futur, c'est surtout pour ça qu'on la connaît. Charlie Sheen, fils et frère d'eux, hein. Ouais. Et Jennifer Grey, bah, dont on parlait. Voilà Jennifer Grey qui va connaître départ, vraiment. On parlait en off. Voilà, ouais. Bah, Dirty Dancing, hein, c'est d'ailleurs la première fois qu'ils se rencontrent tous les deux pour trois ans avant Dirty Dancing. Entre temps, elle avait fait Cotton Club. Elle était présente déjà dans Cotton Club, dans la folle journée de Ferris Bueller, pardon. Ferris Bueller. Voilà, donc autre film de teenage movie plutôt important dans les années 80. Et puis plus récemment, je crois, dans Fallen Angel. Après, c'est vrai que malheureusement, le souci de cette actrice, bah, on la voit pas assez souvent, malheureusement, dans les rôles. C'est assez dommage. Alors, soit les rares films que j'ai vus d'elle, ça doit être des exploitations, encore une fois, des films de Noël. Ou alors, bah, elle a arrêté complètement sa carrière et puis elle est passée complètement sur autre chose. En tout cas, son rôle le plus connu, ça sera sans conteste Dirty Dancing avec Patrice Swayze. C'est vrai que moi, là, dans celui-là, j'avais même pas fait le rapprochement que c'était elle. Moi, oui. Parce que je l'ai reconnu tout de suite. Et heureusement en fait. Que t'étais là. Bah oui, parce que je regardais je ne sais pas combien de fois Dirty Dancing. Donc oui, bah là c'était comme une évidence en fait que j'étais même surpris qu'en fait ils se sont rencontrés avant de manière totalement professionnelle pour ce film-là. Alors que. Bah moi c'est à ce visionnage-là que je l'ai repéré. J'avais vu le film il y a très longtemps, mais ne connaissant pas Dirty Dancing, j'avais pas fait le rapprochement à ce moment-là. Ouais. Voilà, bah. C'est pas grave, de toute façon, voilà, c'était bien de le signaler, de mentionner que voilà, ces jeunes acteurs, en tout cas dans la distribution, feront des carrières bon, bah, soit glorieux avec Charlie Sheen ou Patrick Swayze, soit complètement aléatoires avec Léa Thompson ou Howell. Et comme on parle du casting, bon, on parlait tout à l'heure des vieux briscards, j'avais cité Powerbooth et Ben Johnson. Mmh. Il y a aussi Harry Dean Stanton, oui. Ah bah qui voilà. Est le père de Patrick Swayze et de Charlie Sheen. Voilà, on va pas l'oublier quand même. Lui aussi, il a une tête qui est largement très reconnaissable. Vous avez vu forcément à un moment ou un autre, hein, quel que soit l'orbe de fiction. Oui, il est. Oui, on l'a forcément vu quelque part. Quoi. Il a quand même une belle carrière. À New York 97. Donc, voilà, on va commencer par ça. On va commencer par les choses qu'on a un peu de classe. Quoi. C'est voilà. Ça. Et puis, il faut pas oublier. Il y a William Smith aussi. Alors William Smith, il a un nom un petit peu passe-partout, mais notamment, il a été le père de Conan, dans Conan le Barbare, vous voyez. Hein. C'est lui qui fait le colonel qui vient les traquer dans les montagnes, avec la grande moustache, là. Voilà, c'est William Smith, qui était un acteur et culturiste assez impressionnant, ouais. Quoi. Le nom passe-partout, mais la tête et le physique, non. Ouais, la tête et le physique, donc il a joué dans des films comme Ça va cogner, Conan le barbare, Maniac Cop, hein, donc il faisait souvent des rôles physiques. Oui, des physiques oui, en fait, je voyais rarement dans des films plutôt comédie dramatique ou romantique, hein, donc... Non, il a pas le physique pour, voilà. Ni la carrière. On peut considérer que Ça va cogner, c'est une petite comédie romantique quand même. Et oui, ça se bastonne quand même sévère encore, oui. Quoi. Ouais, mais bon, c'est passé au second plan, histoire d'amour, hein, au voire fond. Tertiaire, hein, pour l'aspect romantique, hein, dans celui-là. Ouais, c'est ça. Ah, bah, c'est le film le plus donc, romantique voilà, que je connaisse. Et donc, vous connaissez pas de Dirty Dancing, donc je vous incite encore à revoir The Tin Dancing pour voir déjà les deux. Swayze et puis... Eh oui. Ouais. C'est une bonne idée. En plus, ça fera plaisir à madame. Alors on va peut-être faire ça. Oui, bah... Peu importe, si vous êtes un peu réfractaire de le côté un peu film musical ou comédie musicale, vous pouvez pas passer à côté de ce film assez culte des années 80, même encore musicalement. Donc on entend au moins une bonne partie des chansons du film dans l'instance populaire et dans les deux rôles principaux. C'est vrai. Et puis on voit jamais trop de films avec Patrick Swayze. Enfin, moi j'aime bien Patrick Swayze, donc c'est l'un des rares que je l'ai pas vu, en tout cas dans la partie film le concernant, mais même Charlie Sheen aussi par extension. Donc j'ai comblé cette injustice par rapport à Lobo Rouge. J'étais plutôt content de le voir et donc de fait que je m'attendais à vraiment un film un peu poussiéreux ou trop arriviste, et bien c'est totalement l'inverse qui s'est produit, donc j'étais globalement assez content. Alors c'est vrai que le contexte un peu particulier, avec l'actualité chaude du moment, bon bah c'est délicat, et il faut avoir une bonne stabilité quand même pour aller le voir, même si c'est pas le film le plus violent quand même que j'ai vu dans la catégorie film de guerre, ou film de guerre mélodramatique, mais ça reste quand même assez costaud de par son scénario, donc faut être dans les bonnes conditions, dans les bons mots pour le voir. Ouais, mais le scénario, puis même un côté réaliste, j'allais dire, parce que vraiment, les techniques utilisées, bon d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil au tout début du film, ils parlent de la technique des uns qui encerclent leurs ennemis, c'est pile poil ce qui leur arrive, mais même à l'issue de quelques petits dialogues, comme ça on comprend que c'est en fait très très réaliste et plutôt intelligent. À un moment où il parle avec le pilote dit non, de toute façon l'arme nucléaire, on l'a pas utilisée, on n'est pas fou, on veut pas détruire le monde. Ce qu'ils veulent, les Russes, c'est une guerre, ils veulent conquérir le monde, ils veulent pas le détruire. Donc il n'y a pas de nucléaire là. Et rien que ce genre de petite phrase, on se dit putain, c'est très très réaliste, c'est très réfléchi, et ça fait, dans le contexte actuel, ça fait bizarre quoi. Ou tu dis que dans le contexte actuel, par contre, on a un psychopathe en face qui nous parle d'armes nucléaires, et tu dis oui, effectivement, lui il veut pas conquérir le monde, il est con s'il parle d'armes nucléaires, ça peut pas marcher. Oui, et en plus, avec le, justement, on parle du conflit actuel, mais souvent, des personnes sans expérience qui se retrouvent face à une armée entraînée, on est en plein dans le film. Bah, pas sûr de l'armée entraînée, quand même. L'armée russe, c'est peut-être pas... Enfin, disons, une certaine invasion que personne n'attendait, avec des pourparlers que, personne n'attendait, en fait, une invasion. Personne n'attendait, pour le grand public, on n'attendait pas... On s'attendait pas à ça, s'attendait peut-être avec des signaux ou du côté de bases militaires ou des camps d'entraînement qui peut poser problème, qui peut poser polémique, mais personne s'attendait vraiment à qu'un pays soit envahi comme ça au petit matin et que les gens ont dû fuir par leurs propres moyens en catastrophe. Mais quand je faisais une comparaison actuelle, c'était bon, il y a quand même une armée, je parle de l'armée russe, il y a des jeunes a priori qui n'ont pas l'air trop bien préparés, mais ils ont subi une préparation militaire. C'est comme si on vous disait demain, bah voilà, prends un fusil, les troupes sont là, démerde-toi. Voilà, c'est un petit peu la situation. Si tu sais manier les armes de combat, le côté arme à distance, le côté contact physique, bon bah, tu peux peut-être survivre. Voilà, donc c'est quand même un petit peu tendu. Et puis les personnages du film deviennent pas des héros, ils font une guérilla qui même bon, c'est peut-être le point un des petits points faibles perso pour le film, c'est-à-dire qu'ils arrivent à mettre en déroute des soldats très entraînés. Alors bon, la guérilla on a vu la technique faire ses preuves au Vietnam. Hein. Complètement, mais malgré tout, justement, ils ne sont que 6 ou 7. Et ils arrivent à mettre en déroute des centaines et des centaines de soldats. Ouais, alors, avec le peu d'entraînement, dans la réalité, bon, ils se seraient vite fait repérer. Ça reste un petit peu le point faible du film, mais ça mène aussi un petit côté, grandiloquent. Bizarrement, un petit côté réaliste, puisque, des hommes, des personnes pas entraînées peuvent aussi être capables de défendre leur pays. Et d'infliger des dommages, bah tu parlais du Vietnam, voilà, c'est ça, même s'ils étaient quand même un peu plus nombreux de leur côté. Oui, mais par contre, là tu dis ils en mettent des centaines en déroute, non, à chaque fois ils s'attaquent à un petit convoi de 10 personnes. Oui, c'est des petits convois, mais à chaque attaque, ils perdent un des leurs quasiment. C'est ça. Il y a très peu d'attaques où ils survivent tous, les deux premières on se dit « ah ouais, ils s'en sortent » et après « ah ouais, non, ils s'en sortent plus ». Donc ça reste, et même à la fin, ils en sont fatigués de tout ça. Donc, ouais. Alors que et ça ici, fait que quelques mois. Et puis, ils ont aussi l'aide du pilote, oui. Qui, même si, qui est entraîné, mais peut les aider à acquérir une certaine expérience dans le combat. Oui, qui ne peut pas forcément être son expérience salutaire et salutrice, parce que même en étant avoir des conditions physiques, intellectuelles et psychiques assez indéniables, bah, sur l'instant T, bah, des fois, les émotions pour remonter à la surface, et bah, tu essayes un peu de gérer au mieux certaines choses, de ne pas trop divulguer d'informations qui sont censées classer confidentielles, en tout cas pour l'aspect du film, pour sur à quel moment des personnes vont attaquer dans le camp adverse, est-ce que c'est une aubaine de tenter le tout pour le tout dans une mission kamikaze, donc c'est ça qui est aussi la force de frappe, c'est que bah, tout le contexte du scénario derrière est très dans l'esprit de la poursuite de l'Autobus Rouge, donc dans le film un peu d'espionnage, mais aussi dans les films un petit peu militaires ou très proches de Tom Clancy par la suite. C'est vrai, le rapprochement avec Tom Clancy, j'avais pas fait, mais effectivement, on en est assez proche. Bah oui, parce que c'était un grand auteur de romans qui a tourné beaucoup, enfin qui a supervisé beaucoup pour le cinéma, puis pour le jeu vidéo aussi, avec Splinter Cell. Oui, donc... Rainbow Six. Voilà, Rainbow Six, donc voilà, c'est quelqu'un d'assez expert dans son domaine de réalisme au plus près, voilà, même si c'est au service du divertissement, entre parenthèses, comme le cinéma, la série télé ou les jeux vidéo. Et on peut peut-être parler un petit peu, je sais pas où on en est, mais on peut peut-être parler un petit peu de la fin. Ah oui, bien sûr. Alors on a une fin assez, entre parenthèses... assez noir, quoi. Il n'y a pas vraiment d'héroïsme. Je vous laisse parce que quand je l'ai vu, la fin était un petit peu abrupte pour moi, donc pour des raisons un peu techniques. Toi, tu t'en étais arrêté où exactement? Il y avait quasiment 5 minutes avant la fin. Je crois que c'était un moment assez crucial dans le film où. En fait, il décide voilà, d'attaquer. Voilà, c'est vraiment l'assaut final et à un moment donné, ça a un peu coupé, donc ouais. Je vous laisse poursuivre. Voilà. Bah, il décide d'attaquer la zone, leur ville, quoi. Il décide d'attaquer leur ville, et donc le QG des Soviets. Donc ils leur font quand même de lourdes pertes, mais bah, si on peut dire, il y en a deux qui ils se sont séparés, il y en a deux qui sont partis vers la zone libre, et puis les deux frères décident de se battre. Voilà. Et, de faire diversion. Ils finissent assez tragiquement, hein, puisqu'il y en a un qui est blessé et qui porte son frère... dans la neige et on n'entend plus parler d'eux, quoi. En fait, ils ont dû mourir de leurs blessures un petit peu plus loin. Ouais, c'est même plus là aussi, qu'ils ont dû. C'est ce qui se passe. Ils sont morts de leurs blessures, mais une fin. Justement, même les Soviets, entre bah, William Smith qui se fait flinguer, par contre, l'officier cubain les laisse partir. Donc malgré tout, même l'ennemi à ce moment-là est un petit peu comment dire humain. Il a un minimum de oui, mais il a un minimum d'épaisseur et surtout un minimum de réalisme, quoi. Tu vois pas une machine à tuer, même de son côté, on voit un homme qui se retrouve face à deux gosses qui ont mené une guérilla, mais qui à ce moment-là les comprend et sait ce qui va se passer. Donc en même temps, voilà, le film est vraiment pas bourrin, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand tu vois l'affiche. Quoi. Alors, à un détail près. Alors déjà, le colonel cubain, on le voit 5 minutes avant écrire une lettre comme quoi il va démissionner parce que cette guerre, c'est une folie pour lui. Il comprend plus. Il dit, nous, on a toujours été du côté des insurgés. Là, on est les agresseurs. C'est pas logique. Il fait froid ici, en plus. Enfin, j'arrête, quoi. C'est pas ma guerre. Mmh. Il fait un peu son Rambo. Oui, il fait un peu son abandon, en fait, par rapport où tout lui dépasse un petit peu. C'est ça. Donc, voilà, dans la manière d'infrastructure, dans la manière un peu de gestion des soldats et du combat sur place. Donc, il voit plus le sens de ce truc-là. Voilà. Il voit un conflit comme un conflit qui a plus raison d'être, plus aucun intérêt pour lui. Donc, il décide vraiment de jeter l'éponge, littéralement. Littéralement, il jette les armes, d'ailleurs, il laisse partir les jeunes. Et c'est vrai que cette scène... Il jette son arme, ouais. Cette fin-là est quand même vraiment très touchante. Effectivement, les deux frères se traînent jusqu'à l'aire de jeu où ils jouent avec leur père. Et le plus grand qui dit à l'autre, « Bah, endors-toi, papa, viens nous chercher. » sachant qu'ils savent tous les deux que leur père s'est fait fusiller. Et bon, quand la caméra s'écarte, tu vois que le plus grand a la tête qui tombe sur le premier, tu te dis bien qu'ils sont morts. Et si le film avait pu s'arrêter là, ça aurait été parfait. T'avais vraiment une fin extrêmement humaine, extrêmement à la fois touchante et sombre, où on te dit clairement, il n'y a aucun gagnant à la guerre. Il n'y a personne qui gagne la guerre, c'est vraiment un truc dégueulasse, et il n'y a personne qui va s'en sortir grandi. Mais il y a les 30 secondes derrière, où on voit ce putain de monument aux morts et la voix off qui récite ce qu'il y a écrit dessus, comme quoi une bande de jeunes a tenu tête à l'envahisseur pour sauver sa patrie. Et là, pour moi, ça gâche tout. En fait, là, on tombe sur un truc ultra patriotique qui vient te, passe-moi l'expression, te chier dans les bottes et te ramener à une odeur un petit peu patriotique, pas forcément en lien avec tout ce qu'on a vu, qui reste aussi ambigu que peut l'être Milius, mais pour moi, qui gâche vraiment le final. Quand j'ai vu ça, bah, ce film, c'était un peu des montagnes russes pour moi. Au début, je m'attendais à un truc vraiment va-t-en-guerre, j'étais très surpris. Après, ça revient en guerre, je me dis, ah, ça, je m'attendais. Le final me cueille totalement et me touche vraiment. Et ça, à la fin, c'est la douche froide, quoi. En fait, il aurait pas dû mettre cette scène-là et puis la finir donc avec les deux frères qui meurent et peut-être, malgré tout, la petite pointe d'espoir avec les deux qui ont réussi à gagner la zone libre. Mais, et encore, quand on dit zone libre, monument était un peu trop fou. On voit rien dans cette zone libre. On ne sait pas s'ils arrivent vraiment dans une zone libre ou si c'est une nouvelle zone de guerre. Bah, c'était pour ça qu'elle avait, c'est pour ça qu'elle avait, que la scène avait de l'intérêt, quoi. C'est une zone. Justement, ça te laisse qu'un espoir, mais tu les vois pas arriver dans une zone où tout le monde fait des barbecues en s'éclatant après avoir tué les Russes. Non, tu vois juste une zone où ils ont réussi à se rendre. Voilà. Je trouve que le film aurait été très bien s'il s'était arrêté là aussi. Et d'ailleurs, c'est aussi la petite intelligence de Spano, c'est qu'on comprend que les Américains ont quand même repoussé les Soviétiques. Par contre, on sait pas à quel prix, parce qu'on ne voit strictement personne dans cette scène. Mais elle reste de trop. Donc finalement, peut-être qu'il y avait un problème de structure sur la fin, ils ne savaient pas vraiment comment terminer ou comment... Ah, je pense qu'ils savaient comment terminer, hein. Je pense juste que son idée n'est pas la mienne. Et je crois que Milius savait très bien ce qu'il faisait. Et est-ce que Milius, c'est le principe, est-ce que c'est toujours ça aussi, est-ce qu'il a eu le director's cut? Il l'a toujours obtenu. Il y a des projections test, il l'a toujours obtenu, d'accord. Après, il y a des projections test. Des fois, pour le public, faut lui donner un petit peu ce qu'il est venu chercher. Peut-être. Des bouffées d'adrénaline ou des moments de tension aussi, avec des passages salvatrices. C'est vrai que ce genre de fin extrêmement sombre, j'imagine un public américain... Pas prêt. Comment ça, on n'a pas gagné? Comment ça, on n'a pas gagné? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pas prêt et complètement pantois face à la situation. Ouais, c'est possible. Et d'autant plus que j'ai noté un truc, je sais pas pourquoi, ça m'a tout de suite fait penser à ça. À un moment dans le film, ils sont à cheval et ils luttent contre des Russes dans les hélicoptères, les gros hélicoptères de guerre là. Et ça m'a refait penser à Rambo 3 et je me suis vraiment dit, il y avait peut-être une analogie à faire entre ce qui se passait dans cette petite ville du Midwest et la guerre en Afghanistan qui avait lieu au même moment. Comme si Milius était du côté des Afghans, du coup, là, à ce moment-là, comme les USA d'ailleurs, qui combattaient plus ou moins officiellement aux côtés des Afghans contre le régime russe. Tout à fait. C'est ça, peut-être qu'il y a le début de signe en fait avec le scénario de Rambo 3. Hein. Peut-être qu'il y avait les contours et puis il fallait peut-être se lancer sur l'écriture du scénario de Rambo 3, qui n'a pas fait dans la finesse et dans la dentelle. Et puis, J'allais le dire, oui, Rambo 3 était nettement moins fin que l'Aube Rouge. Oui, mais bon, qui reste quand même une piste de réflexion par rapport à les États-Unis, c'est toujours les meilleurs, c'est toujours nous qui gagnons, et puis bon, le succès, le carton peut-être relatif du côté des États-Unis, hein, en box-office du film, ont dû un peu repenser un peu aux éditeurs de vidéos, en tout cas dans le circuit de cinéma traditionnel comme dans les locations de vidéoclubs, à réfléchir qu'on va faire que des fins heureuses et patriotiques, et puis on va les laisser... le côté un petit peu sombre et qui laisse en suspens. Mais bon, l'histoire ne va pas forcément donner raison au niveau des films. Je pense à l'échelle de Jacob de Alan Parker où c'est pas joyeux. C'est plutôt Adrian Lyne. Adrian Lyne, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Alan Parker. Ah oui, Adrian Lyne. Non, c'est pas vraiment un film sur la guerre. C'est un film sur la guerre et c'est pas joyeux. Il n'y a pas vraiment de happy end. Vache, non. Voilà, donc il n'y a pas forcément que des films... où c'est à la gloire d'un peuple ou d'une destinée toute tracée. Tout à fait. D'ailleurs, la plupart des films dont on se souvient, enfin moi en tout cas, c'est quand même des films de guerre qui n'ont pas des fins spécialement heureuses ou même sans parler de fin heureuse, de fin grandiloquente. Si tu repenses à Apocalypse Now, à Full Metal Jacket, c'est pas des films où on te dit à la fin tout est beau, tout est résolu. Disons que les années 80 ont eu peut-être un virage aussi sur le fait que les gens avaient envie de voir que des fins heureuses ou des films un peu pop, ou même pour le Robot Rouge. Bah, au final, c'est eux qui gagnent, d'une certaine façon, même alambiqué, même complètement invraisemblable. Et puis, bon, bah, c'est les années 80, voit la splendeur, en tout cas, du côté américain. On veut toujours vaincre, on veut toujours gagner, et on veut toujours être dans la position face au monde assez dominant pour dominer un petit peu le pion, en tout cas, quelles que soient les épopées, quelles que soient les destinées, que ce soit sportif, militaire ou dans les films d'action. Et bien, c'est un sujet aussi qui revient souvent avec Milius, c'est le sacrifice de sa personne au profit d'une nation ou d'une patrie. Et c'est vrai que là, cette fin, là, c'est tout à fait ça. Et même plus que ça, tout le film, c'est ça, parce qu'on voit à un moment, les parents se sacrifient pour que les enfants puissent mener leur guérilla. Il y a vraiment des sacrifices pour des sacrifices, quoi. Petit à petit, on en a de plus en plus. Et il y a un autre petit truc dans l'Aube Rouge, alors je sais pas si vous l'avez tilté, qui vraiment, moi, c'est typique de Milius aussi, hein, mais c'est un petit parfum que j'aime pas trop. C'est à un moment, quand ils se regroupent tous, les jeunes au tout départ, il y en a un qui propose un vote démocratique, le président du groupe étudiant, machin, qui démocratiquement devrait voter pour savoir si on doit se rendre ou se battre. Et Patrick Swayze dit non, on se bat, et tout le monde se range derrière lui. Le sous-entendu, un petit peu, les démocrates, c'est tous des faibles, me gêne un peu. Oui, parce que dans ce moment-là, il fallait quand même un petit peu se concerter et ne pas choisir uniquement une seule voix ou plusieurs voix dissonantes, parce que dans ce type de film, forcément, tu vas avoir des divergences, que ça soit du côté démocrate ou du côté républicain. Donc, tout le monde se range d'un côté, à l'avancée du film, on est quand même dans un terrain miné, hein, pour rester dans l'expression des termes de guerre. Surtout celui qui voulait, celui qui voulait faire un vote s'avère un peu plus loin dans l'histoire. Être un traître. Voilà. Être un traître, voilà. Donc, oui, et puis... Voilà. Milius, qu'est-ce qu'il a pu vouloir dire par là? Voilà, c'est la question. On peut que supposer. Bah après, je pense qu'il veut aussi bien raconter son histoire. C'est vrai que s'ils vont tous dans le même sens, l'histoire tout de suite est un petit peu moins crédible et moins prenante. Et plus lisse, quand on que plus lisse. Et quand on sait que Milius, c'est pas quelqu'un de lisse. Non. Et qu'il a quand même des idées assez arrêtées par rapport au combat, aux armes et tout ça, on peut se dire, bon, peut-être que d'un autre côté, il a voulu un peu tacler les démocrates un peu trop lâches à son goût. Bah, peut-être que c'est une façon, un message par le biais aussi de dire que bah oui, je ne suis pas d'accord avec vos idées et votre conviction, je le fais savoir et de manière assez succincte ou arriver avec des gros sabots. Après, chacun est libre de la façon de penser par rapport à ce film ou par rapport au sous-texte, même dans des situations de complexité de récit où t'as un point A, un point B, mais à un moment donné, c'est bon sommet d'embûche, et tu dois suivre un trajectoire ou un issue de secours qui n'était pas prévu à la base. Donc. Et tu laisses un petit peu tes idéaux ou tes combats de pensée un peu de côté, en tout cas pour ce type de film. C'est sûr que c'est toujours un terrain un peu glissant, ce type de film. Oui. En même temps, si on dit toujours que le cinéma est politique, là, il l'est en plein, quoi. Voilà, de toute façon, chacun essaye de faire passer à chaque fois ses idées, qu'elles soient progressistes ou conservatrices. Et même qu'il y aura des incidences des années après, que ça soit l'objet de remake, l'objet de réadaptation, petite subtilité par rapport au remake de 2012. Eh ben tiens, allons-y, puisqu'on parle du remake, allons-y. Oui, parce que je voulais tendre, je voulais faire, en fait. Moi, le remake avec Chris Hemsworth que me tente moyennement. Alors, je l'ai vu au cinéma. C'est alors déjà, on va rappeler un petit peu dans son contexte. Je l'ai vu, ce film, et pas trop l'origine, en fait, du film de 1984. Donc je l'ai vu un petit peu dans le cheminement inverse, mais je pense que je ne suis pas le seul où la plupart des gens ont vu ce film-là avant de comprendre ou de réaliser que c'était un remake d'un film issu des années 80. Il est disponible donc actuellement sur Amazon Prime, c'est comme ça que je l'ai vu. en parallèle du film de Lobo Rouge de 1984, et sur Apple TV, si je dis pas de bêtises, et il y a une version Blu-ray assez complète de chez Metropolitan Film, qui a été réalisée, je crois, 2 ans plus tard. Que dire de ce film ? Bah, c'est tout l'inverse, en fait, de la vision de Lobo Rouge. J'ai l'impression que c'est un pur produit de catalogue d'exploitation mal fichue, avec une grosse paresse, que ce soit au niveau du montage, du rythme, les acteurs sont pas bons, Josh Hutcherson, voilà, je sais pas, il ressemble un peu à un acteur de soap opéra qui tient une mitraillette et qui essaye de maladroitement et mollement de gérer au mieux des scènes de tension ou des scènes d'action. Je sais pas, j'arrive pas avec ce film. J'ai encore plus oublié ce film que Lobo Rouge de 1984, où il m'a laissé une meilleure impression. Et c'est bien tout le problème aussi du film, c'est du côté du scénario. Parce que, alors, normalement, il est censé respecter le film original d'après son auteur, donc d'origine. Il est mentionné, en tout cas, pour la version du film, en tout cas, si vous voyez dans les sites, pour faire des récaps sur les aspects techniques dans les versions Blu-ray ou DVD, en tout cas, il est mentionné l'auteur original du film, au scénario. Donc là, on a forcément un petit peu changé, parce qu'il y a aussi ça donne le ton, en fait, en montrant un Kim Jong-il, donc de la Corée du Nord, succéder à son père. Donc là, c'est présent dès le générique, en fait. Donc ça, c'est venu rajouter par rapport à ce qui a été rajouté un peu avant, donc l'invasion par l'URSS, Cuba et le Nicaragua. Donc là, c'est rajouté la Corée du Nord, en plus. Voilà, il a été, d'après les suppléments, inspiré par le contexte géopolitique actuel. Et voilà, donc là, on tend plus la perche pour la Corée du Nord, qui sera le nouvel ennemi à abattre, tout en gardant la structure un peu du film de 1984. C'est vraiment difficile. Hein. J'essaie de schématiser un petit peu le tout, parce que c'est très confus, la version 2013. Donc, en gros, c'est la même chose, sauf qu'il y a la Corée du Nord en plus, et puis, bah, c'est un truc d'exploitation à mi-chemin entre Asylum et une production New Image, mais pas le meilleur, en fait, vers la fin de fond de catalogue de New Image. Ouais, là, ça fait pas rêver, hein. Ouais, avec une petite toile de Canon par-dessus. C'est quoi, ça, mais enfin, pas ça, le meilleur de Canon, total. En fait. Même la lambada de la Canon est bien meilleure que ce film. Je suis sûr que c'est... Quand on regarde tacle. De ça... Non, mais c'est vrai. Il a beaucoup de problèmes, ce film. Alors déjà, comment ça s'appelle, ils sont attaqués par la Corée c'est du ça, Nord. C'est ça, c'est pour bon, ça que j'ai dû un petit peu me remémorer avec la version disponible sur Prime, donc... C'est pas génial, parce que la Corée du Nord, au niveau véracité de la chose, c'est un petit pays comparé aux États-Unis. Dans le premier, on avait quand même l'URSS. Oui, parce que l'URSS formait un bloc, formait un tout, une entité. En plus, voilà. Ça, du côté Cuba, là, sud-américain et Nicaragua, Nord, donc ça fait quand même un gros bloc. C'était pas que l'URSS, c'était les soviétiques, quoi. C'était vraiment soviétique et Amérique du Sud, donc ça fait quand même deux blocs. Beaucoup. Mais en fait... il y a eu un changement, parce que ils ont dit que c'était les Coréens, mais en fait, à la base, le film était tourné entre une guerre entre les États-Unis et la Chine. Mais comme ils ont espéré pouvoir vendre le film en Chine, bah bien sûr, en post-production, ils ont changé. C'est devenu des Coréens. Ils ont changé au dernier moment, peut-être pour avoir une bonne exploitation en salle, étant donné sensibilité un peu du public chinois pour ce type de film, pour le visa d'exploitation et sous peine d'interdiction également. Tout à fait. Et je crois que c'est ça. D'ailleurs, plus, c'est un petit peu douteux quand tu y penses, puisque tu te dis, c'est des Chinois, c'est des Coréens, c'est la même chose. Quoi, oui, le racisme latent est tout proche. Hein, Complètement, oui. Donc voilà, il y a ça déjà. Il y a deuxième point, le héros, c'est l'acteur Chris Hemsworth, qui lui, dans le film, est un Marines, qui est revenu dans sa ville, son père est un ancien militaire, ben voilà, ça commence, le héros il a déjà une formation, il sait faire la guerre, et d'ailleurs tu vois tout au long du film, il s'en sort très bien, et puis il n'y a plus le côté... Et il revient d'Irak aussi. ...réaliste que tu avais. Voilà, il revient d'Irak, c'est le point assez important. Donc il revient dans un pays qui était en guerre durant les années 2000. Donc il revient avec un bagage contenu militaire et force armée ou force spéciale important par rapport au film de 1984. C'est là où on a complètement un peu effacé la structure même du film d'origine, quoi. Je me demande même si c'était pas un peu un remake éhonté de conserver John Milius, le côté scénaristique de la chose. Marketing. Ouais, John Milius, il a juste touché son chèque. Oui, c'est ça. Voilà. Mais... Il a donné son nom, il a eu son chèque. Et puis, il y a aussi un point très important par rapport à la MGM, parce que c'est un film de la MGM, Lobo Rouge, sauf que le film a été tourné en 2009, donc pas une période où la Corée du Nord... Top. Voilà, période top. Et puis, il a été retardé suite à un nouveau dépôt de bilan de la MGM qui, financièrement, à ce moment-là, donc en 2009, dans la période 2009 à 2010, très, très, très critique, voire complètement à l'agonie. Hein. Donc, voilà, c'était pas un contexte meilleur, en fait, pour la production du film ou pour l'exploitation du film, en tout cas, dans l'aspect d'un studio aussi grand, aussi flamboyant que la MGM, qui a connu déjà des traversées assez tumultueuses par rapport aux sorties des films. Et qui oui, a je crois qu'il a traîné aussi... Parce que, voilà, c'est typiquement le type de film que pouvait trouver dans un fond de catalogue des chaînes du câble. Hein. On va pas se mentir, ça se trouvait très facilement sur la chaîne Action ou sur les chaînes de TPS au droit d'exploitation de la MGM. Donc... Oui, si je me trompe pas, il a traîné longtemps sur les étagères. Ils sont décidés à le sortir quand Chris Hemsworth a commencé à faire une petite carrière avec Thor. C'est un film mis en sommeil, avec un contexte de dépôt de bilan d'une société de cinématographique qui est quand même majeure. Et donc, bah voilà, ils ont décidé de le sortir au bon moment, et tant pis un petit peu pour la cohérence un petit peu du scénario et le fait que ça soit issu d'un autre film des années 80. Ouais, c'est peut-être le moins pire moment plutôt que le bon moment, en fait, pour celui-là. C'est ça. Par contre, c'est dommage, l'acteur qui remplace donc Powerboof, c'est Jeffrey Dean Morgan. Je trouve que c'est un des rares acteurs qui surnage un peu dans ce merdier, si je peux dire. C'est parce que l'acteur a une bonne tête et tout. Il joue différemment par rapport à Powerboof. Il incarne pas exactement son personnage de la même façon. Mais c'est une des rares. Je trouve que c'est une des rares bonnes choses du film. Voilà. Oui. Mais c'est marrant parce que là, quand vous racontez le remake de L'Aube Rouge, c'est quand même le scénario d'un jeu vidéo. C'est le même scénario. C'est le scénario d'un DTV de film qu'on essaie de caler pour les chaînes ou séduire les chaînes de câble aux États-Unis ou même les chaînes d'exploitation cinéma en France, type TPS ou ABSAT, tu pouvais le caler caser facilement dans la programmation générale. Hein. C'est typiquement pensé pour ça. C'est du téléfilm friqué. C'est ça. Ouais, mais oui. C'est un téléfilm friqué. Voilà. Il y a rien à sauver. Quoi. C'est vrai que pour avoir joué récemment là au jeu Homefront, c'est le jeu Homefront. T'es un étudiant, on va dire. La Corée envahit les États-Unis et il faut que tu combattes pour sauver les États-Unis. D'ailleurs, c'est un jeu de merde. Hein, précisons. Oui. Ah bah comme quoi, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Et je crois qu'il est sorti en 2010-2011, peut-être. Donc ça reste il était sorti la même période, en fait. Hein, je pense qu'il a bénéficié aussi de l'aspect de l'Aube Rouge. Mais pareil, le jeu ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Ouais, une IA aux fraises, un jeu très médiocre. Tout comme le film, voilà. Donc, et puis, bon... Je vais pas revenir sur l'aspect un peu promotionnel, un petit peu des suppléments hein, qui sont. Alors, je l'ai vu uniquement au cinéma, donc forcément, si vous attendez une édition Blu-ray de qualité, pas vraiment. Hein, c'est vraiment le côté ultra promo du film avec l'histoire du film, un camp d'entraînement pour montrer vaguement des issues de combat, les coulisses de tournage. Des personnages féminins, et puis bon, bah, le tout essoré en une vingtaine de minutes au montre en main. Et d'ailleurs, dans le remake, vous n'avez pas parlé des rôles féminins ? Bah, ils sont complètement. Bah, c'est bien tout le problème en fait. Pas comme les rôles masculins, quoi. C'est ça, c'est tout le problème. Alors, je peux citer Adrian Paninki, donc c'était la Lady Jet dans G.I. Joe Conspiration. Oh putain. Voilà. vous en faites ce que vous voulez. Hein, déjà, il y a Joe, c'est un autre sujet, mais bon, bah, voilà, c'est bien tout le problème, c'est que le casting féminin, même si forcément présenté dans un aspect purement promotionnel pour les besoins d'un DVD ou d'un... Voilà, j'ai aucun souvenir, je suis désolé, mais là, il n'y a aucune force de frappe, aucune attachement ou sympathie pour les personnages féminins. J'ai l'impression qu'elles sont là en rôle accessoire. Et puis, bah, c'est tout. Ah bah, c'est de la potiche de... Bah, c'est de potiche, tout l'inverse, hein, en fait, du film des années 80. Je me suis dit que, bah ouais, hein, c'est pour qu'on me rappelle... On se souvient pas forcément des prénoms. Alors, l'autre actrice, heureusement que je me suis rattaché sur un titre, sur un site de film, pardon, c'est Isabelle Lucas. Donc, est-ce que ça vous dit déjà quelque chose ? Non, pas vraiment. Grand chose. Est-ce que vous vous souvenez d'elle dans Transformers ? Il aurait fallu que je voie Transformers pour ça. Voilà, donc voilà. Elle a fait un rôle dans Transformers, elle a fait un rôle dans Vertige qui est... Voilà, un peu un pétard mouillé. Elle était également présente dans Osiris, la 9e planète, qui était un bon film d'action, d'exploitation. Faudrait que je le regarde d'ailleurs pour une prochaine fois. Ah, mais bah, écoute. Hein ? Vendu comme ça, tu me donnes envie aussi. Je regarde ça. Bah, Osiris, la 9e planète, j'en entendais du bien. C'était un film australien, mais passé complètement inaperçu. Heureusement que c'est la société Westside, en fait, qui a remis un peu en avant pour leur magnifique édition Blu-ray. Pour ce film-là, donc un film australien. Mais je vais être honnête avec vous. Voilà, hein, j'avais aucun souvenir de ses prestations, en tout cas, dans ce film, bon, pour la partie du casting féminin, en tout cas. Ouais, le casting féminin est complètement oubliable, et à part Chris Hemsworth et Jeffrey Dean Morgan, le casting masculin, comme on disait, il y a juste Hutcherson, là, qui est une endive finie. Hein, le mec, ce nom me dit un truc, mais il a joué dans quoi, lui ? Parce que son nom me dit bien un truc. Il a joué dans... Comment il s'appelle ? Je suis en train de me remémorer... Hunger Game. Dans oh quoi ? Putain, oui, Hunger Game, d'accord. Ah bah oui, voilà, donc c'est pour ça que... Le visage me disait vaguement quelque chose. Oui, en fait, il était présent dans les trois films d'Hunger Game. Ouais, c'est ça. Enfin, les trois films, enfin, les quatre films, avec la partie Red Vote, partie 1, partie 2, et puis... Ouais, c'est un acteur, je trouve, qui est complètement transparent, donc il n'y a rien à sauver. Je me souviens de lui vaguement dans Escobar Paradise Lost. Alors là, on rentre vraiment dans la catégorie des films d'exploitation. Hein. Surtout pas avec le meilleur au niveau du récit de Escobar. Ouais, je l'avais vu dans Voyage au centre de la Terre. Moi. Ah oui, c'est ça, Voyage au centre de la Terre 2. Ouais, voilà, il était présent dans le 2. Il était avec The Rock. Il était présent aussi dans le secret de Terra Bithia aussi en 2007. Alors là, vraiment. Par contre, c'est moins. C'est un film plutôt familial, mais dans la veine un peu fantasy fantastique à la Monde de Narnia, qui est plutôt un bon film pour le coup. Oui, ça veut dire des bons retours celui-là. Oui, il y a des bons retours. En tout cas, je conseille ce film-là par rapport à l'Aube Rouge de 2012, si on peut faire... Oui, je crois que même par rapport à l'Aube Rouge, on peut même conseiller Voyage au centre de la Terre, alors que normalement... C'est ça, des films plutôt bons, plutôt qui va s'adresser à un public légèrement familial, qui peut satisfaire en tout cas par rapport à l'Aube Rouge de 2012. Mais bon, après, le reste de sa carrière, je vais être honnête avec vous, en dehors de Hunger Games, et puis de 2-3 films, à la suite, qu'est-ce qu'il a pu faire ? Elliot le petit reine des neiges ? Des reines, pardon ? En 2018 ? Qu'on rattaque le film de Noël Animalier, donc si on marche trop sur Pediprod, ils vont nous engueuler. Hein. Bah oui, mais bon, voilà, il a fait des films d'exploitation de Noël ou des comédies romantiques, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc c'est compliqué. Effectivement. Alors si on faisait un petit point pour L'Aube Rouge de 1984, de votre côté, c'est plutôt un film que vous avez aimé et que vous recommanderiez, ou plutôt un film où vous émettriez des réserves et peut-être pas pour tout le monde ? Plutôt aimé, recommandable, largement. Bon, ça a toujours le côté années 80, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a pu découvrir en premier, parce qu'on l'a découvert dans les années 80, bah, ça a toujours ce petit côté... doudou, film qu'on a apprécié. Après, c'est, C'est peut-être pas facile à découvrir des années après. Voilà. Pour info, je l'ai découvert moi il y a 2 jours et j'ai trouvé ça très bien. Après, Doudou, c'est quand même vachement moins réconfortant que Over the Top, si tu veux. Oui, mais quand je dis Doudou, c'est-à-dire le film que t'as connu étant jeune, quoi. Voilà, qui... J'étais pas né, moi, quand il est sorti. Ah bah ça, c'est pareil, hein, j'étais né en 85, donc forcément, j'étais pas né. Pareil. Mais d'ailleurs, Le Corbeau, petite question, tu l'avais connu à l'époque au cinéma ou en... Non, je ne l'ai pas connu à l'époque au cinéma, je l'ai connu... Je devais avoir quoi ? Quand j'ai vu L'Aubrou, je devais avoir au moins 20 ans, quoi. Donc je l'ai connu bien plus tard. Ouais, bien plus tard, en vidéoclub ou lors de la diffusion de la télé. En vidéoclub. J'avais été le chercher en vidéoclub. La belle époque des vidéoclubs. Bah oui, parce que je pense que le succès est dû en partie ou à cause de l'exploitation vidéoclub, en tout cas pour ce film-là. Il y a des chances, oui. Puis il est rentré dans la culture populaire, etc. Voilà. Les Wolverines dans L'Aube Rouge, voilà, c'est quelque chose qui revient souvent. Je crois que c'était même apparu dans la série Scrubs. Oui. Voilà. J'ai un petit souvenir d'un truc comme ça. Alors moi, Arthur, tu le conseilles ? Je le recommande. Alors je suis dans la même configuration que toi. Je l'ai vu il y a 2-3 jours, mais j'avais des souvenirs, mais tellement lointains. De ce film que je me rappelle même pas si je l'ai vu auparavant, location certainement en vidéoclub ou alors à la télé, dans les câbles, dans les chaînes spécialisées. Donc c'est fort dommage parce que avec le casting qui est quand même une bonne partie iconique des années 80 voire 90, donc je le recommande mine de rien. Mais alors contexte actuel, si vous n'êtes pas apte à voir ce type de film, non. Voyez-le plutôt dans des conditions si vous sentez apte à voir des films de guerre ou des films dans un contexte historique assez fort, assez intense. Donc je mets des réserves, mais des réserves encore une fois totalement... contextuelles. Voilà, contextuelles et volatiles par rapport aux gens, parce que je ne l'ai pas vu vraiment à l'époque, ou alors j'ai mal ou très peu de souvenirs, mais j'étais content du visionnage. Ça m'a permis un peu de réfléchir sur certains aspects de fond, notamment humanistes et peut-être dans la gestion actuelle. Alors, c'est difficile vraiment d'interpréter du côté de la géopolitique, parce que c'est très délicat ce type de film. Oui. On va m'en placer là-dessus. Donc, en tant que film, bah, c'est un film à voir, mais voilà, si vous êtes un peu trop sensible sur certaines scènes graphiques ou dans le contexte géopolitique de Troisième Guerre mondiale, ne le regardez pas ou le attendez peut-être plus tard. Sans doute. Moi, je pense que tu vois, ce genre de film, je le montrerai sans doute à mes gosses. Pas tout de suite, hein, parce qu'ils ont 7 et 4. Donc j'ai de toute façon, c'est un film qui était interdit enfin, 13 non accompagnés. Ouais, 13 non accompagnés. En France, de ce que j'ai vu sur MyCanal, c'était juste déconseillé au moins de 10 ans. Donc voilà, ouais, mais il faut, je pense, être ado pour le voir. C'est ça, je pense vraiment le regarder avec mes enfants quand ils auront 12 ans, mais le regarder avec eux et en parler avec eux après. Parler du contexte aussi géopolitique de la guerre et vraiment un accompagnement quand même. Hein. Tu ne peux pas le regarder seul comme si c'était un film d'action ou un film d'animation, une grande aventure épique. Ah. C'est pas comme si tu regardes un film. J'aurais peut-être enlevé John Rambo, ma fille est en train de le regarder. Non, ça va. Ou oh, monsieur, pas pareil. C'est poétique. Hein, John Rambo, le premier, non, ça va. Enfin, c'est. Ah non, moi je parlais du quatrième. L'arrachage de glotte à la main. Ah, c'est mais le voit à quel âge? Non, ah, d'accord. Tu me rassures, Corbeau, quand même. Parce que je me suis dit, si c'est le 4, ouais, vu les scènes d'action... Le 4, il est bien goré, quand même. Ouais. Ouais, faut y aller, quoi. Mais bon. Non, bah après, je peux... Elle a déjà vu Robocop, elle est prête. Oui, mais Robocop, c'est soft. En même temps, j'ai vu aussi Robocop quand j'avais quoi, 9 ans, j'avais pas tout à fait l'âge pour aller le voir. Pareil pour les premiers ou le deuxième film de Freddy en cachette. Comment bien dormir après ça? Je rappelle que The Thing était diffusé sur la 5 en 1986 à 20h30. Pareil pour les deux premiers vendredi 13. Hein, donc voilà. Ouais, mais encore The Thing, il y a un côté pôle Nord, un petit peu extraterrestre, tout ça. Tu dis, bon, c'est peu probable. Mais Freddy, quand on te parle, qui vient de tuer dans tes rêves. Quand t'es gosse, ça doit être terrible. Oui, voilà, bah c'est ça. Hein. Et puis, parce que le rêve, c'est un truc que t'échappes pas, quoi. Ouais, Vendredi 13, c'est tellement con, en plus. Bah oui, mais bon, ça fait partie des films un peu frissonnants. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Les années 80, dans la 5, diffuser des films, et puis même un film érotique à 20h30, ça passait crème. Hein. Alors maintenant, non. Ouais, maintenant, c'est diffusion en deuxième, voire troisième partie de soirée à la télé, ou mieux, ou sur les chaînes du câble, ou en VOD, mais avec un avertissement. Bah oui. Enfin. Donc oui, dans la globalité, quand même, c'est un film hautement recommandable, mais avec... avec discussion, je pense. Discussion, par rapport au contexte actuel et par rapport au scénario qui peut quand même impressionner. Et voilà, si on est tendu, si on est un peu trop fort bleu pour ce type de film, oui, n'y allez pas tout de suite, mais voyez-le quand même de par son casting. C'est vrai. Mais le casting, c'est vrai qu'il nous parle à nous parce qu'on l'a connu. Je vois mes enfants, ils voient la fille avec Patrick Swayze, ils vont pas tilter. C'est Patrick Swayze, quoi. Ils vont tilter plutôt Dirty Dancing ou Ghost. Bah, là, ils tilteraient plutôt Léa Thompson, Retour vers le futur. Voilà, c'est ça. Bah oui, je pense que c'est un bon porte-entrée. Ça peut être pas mal. Ok, bah messieurs, c'était bien sympathique de discuter avec vous. Est-ce que vous auriez peut-être une petite recommandation, un truc que vous auriez découvert récemment dont vous voudriez parler un petit peu? Bah, je te laisse commencer, Corbeau. Bah, y a rien qui me vient tout de suite comme ça. Mais ça peut être film, comme ça peut être totalement autre chose. Ce que tu veux, y a pas de souci. Bah, actuellement, au moment où on enregistre, il y a la diffusion de La Nuit sans images 2021. Donc, pour rappel, La Nuit sans images 2021 récompense tout l'aspect des séries audio, des mono MP3, alors, ce qu'on appelait auparavant la saga MP3, donc c'était des histoires à suivre, découpées sur une saison ou plusieurs épisodes. Comme Les Reflets d'Acide ou Nos Journal Buck. Voilà, mais bon, ça s'est complètement évolué par la suite, avec des séries à suivre, comme Resident Evil, bon, il y avait également aussi Walter avec Occiput, qui était pareil, une aventure assez rigolote. Je crois qu'il y avait Pépite aussi. Bon, voilà, c'est un peu difficile à décrire. En gros, La Nuit sans images, c'est quoi? C'est la récompense de tous ceux qui font des œuvres audio, de fiction, que ce soit sur un format unique comme un format de plusieurs saisons, plusieurs épisodes. Et là, actuellement, ils sont en train de faire la remise de prix, donc de tout ce qui est décerné au niveau des fictions, alors que ce soit des rôles féminins, des rôles masculins, des rôles non genrés, meilleur scénario, meilleur mixage son, meilleure réalisation sonore, meilleure musique, etc. etc. Et donc voilà, bon, maintenant c'est tous les ans, et si au moins regardez le site de La Nuit sans images pour vous donner un aperçu de tout ce que peut offrir la fiction audio, et ne pas se limiter uniquement à Nabuck ou Reflet d'acide. Hein. Il y a eu beaucoup de choses. Excuse-moi. Hein. Tout c'est considérablement... l'absurde lourdre, voilà, ça fait partie de mes trucs un peu préférés. Je ne vais pas forcément dire le résultat en direct, parce que c'est en cours, et puis je préfère surprise pour suivre. Et puis vous pouvez suivre sur le site tout ce qui a été fait depuis 3 ans, maintenant dorénavant, par rapport à l'aspect... De la fiction audio, vous retrouverez forcément votre bonheur, que ce soit des histoires courtes comme des formats assez longs. Je peux citer par exemple les Chroniques Galactiques de l'ami William Horn, qui en est à sa saison 3 actuellement, qui a un aspect assez étendu de l'univers de Star Wars, suivant William Horn, qui est également un excellent animateur radio pour Zone 52 ou pour Killer on the Loose pour l'actualité du métal, ou par exemple Mehdi Bayad, qui est la plus grande sensation dans le domaine de l'audio, et c'est quelqu'un d'assez fantastique. Il avait fait Rouge Vif tout récemment, c'est quelqu'un d'assez formidable. Je l'avais vu lors du Paris Podcast Festival, excusez-moi. Il était tout gentil, tout voilà. Il aime bien l'univers en fait de la fiction audio, et il est fantastique en tout cas dans ce qu'il fait. C'est assez fabuleux. Donc La Nuit sans images, le site où vous pouvez retrouver tout ce qui précède en saga, en fiction audio, que ça soit primé ou non, vous avez beaucoup de choses à écouter ou de choses à parcourir. Et je vais faire une tout petite aparté avec Objectif 500 millions. qui est un film de science-fiction un petit peu fantaisiste des années 60, de 1966 exactement, qui vient de sortir en Blu-ray le, je crois, il y a quelques jours, je crois que c'était 1er ou 2 mars. Donc voilà, c'est un film où j'ai apprécié un petit peu tous les films de science-fiction des années 60. Donc c'est à la sortie de prison, un ancien parachutiste se voit proposer un coup volé à un postal contenant 500 millions transporté à Paris de... En fait, en gros, c'est un film, je dis science-fiction, mais c'est plutôt un film d'espionnage vraiment français. Donc voilà, c'est plutôt à suivre. Il y a un casting assez solide pour ce style de film. Je fais un petit peu écho à l'épisode de VHS et Canapé par rapport au film français qu'il y a eu tout récemment sur les films de genre ou les films d'exploitation français autres que des comédies ou des mélodrames. Donc voilà, si vous voulez voir... Ils ont même parlé de Banlieue 13. Oui, voilà. Bah, là, Objectif 500 millions, j'ai plutôt une bonne impression de films d'espionnage ou de polar vraiment à l'ancienne, avec un casting avec Bruno Kremer dans les rôles principaux. Donc à voir. Il est sorti tout récemment en Blu-ray, DVD, c'est une coproduction entre la France et l'Italie, donc si vous cherchez un peu autre chose actuellement, en termes de cinéma, vous pouvez éventuellement tenter cette expérience, en tout cas dans le domaine policier. Bah, ça peut être une bonne idée, une bonne recommandation, tout comme La Nuit sans images avec les fictions audio, je suis un peu resté bloqué il y a 10 ans. Ah bah, il faut pas courir, parce qu'il y a de très bonnes choses, hein. Même la QV 2021 pour 2022 est assez exceptionnelle, hein, en termes d'histoire, que ça soit absurde, réaliste, ou même avec des habitués comme Waterproof, il y a de quoi écouter, hein. Vraiment insister hein, sur les fictions audio. Hein. C'est bien ça, mon problème, c'est qu'il y a beaucoup à écouter et que j'ai pas toujours le temps de tout écouter. Mais au moins, avec ce site, tu peux parcourir facilement et te laisser guider. Et ça, c'est bien. Voilà, par rapport au genre, par rapport à l'histoire, par rapport à l'envie du moment, tu peux faire des fictions courtes et des monos MP3 pour ça, et ça, il y en a des très bons. Bah d'ailleurs, tu as vu ce qu'on parle de fiction MP3, il y en a une que j'aime beaucoup, moi, c'était les archives de l'insondable, que je trouve vraiment très sympathique à écouter. Oui. C'est pareil, ça dure 2-3 minutes, donc c'est très pratique et c'est vraiment caustique à souhait. Oui, c'est Dimitri Régnier qui est un très bon dans le domaine du podcast en général et qui a imaginé un petit peu, alors avec ses comparses également, une espèce d'aventure, mini-aventure à suivre. Qui n'est pas forcément simple à décrire, je ne sais pas si tu peux dire quelques impressions sur les archives de la Sondab, pour ceux ou celles qui ne connaisseraient pas l'univers. On pourrait dire de parce que c'est une sorte de fiction à suivre, avec du SCP. Voilà. Oui, c'est ça. Excuse-moi, je crois que je t'ai coupé la parole. C'est vrai. Non, je disais une sorte d'absurdité administrative couplée à la fondation SCP, quoi. Oui, c'est ça. C'est du François TJP avec Et la Terre éclata. Bah, c'est un peu pareil, des mini-sketchs. C'est pas vraiment des mini-sketchs, mais des mini-histoires absurdes. Ils sont trois configurés. Les archives de la Sondable, et laissez-vous guider, ça dure pas longtemps en termes de durée d'écoute. Si vous tapez la saison intégrale, je pense que au max 50 minutes, donc voilà, 50 minutes d'archives de la Sondable, c'est une bonne chose. Et il y a de quoi rigoler. Et sinon, j'ai une petite reco aussi, un jeu qui est sorti le 14 février, un espèce de jeu, alors je vais faire un peu le hipster, mais un Metroidvania néo-rétro, qui s'appelle Infernax, et qui est, bon, son leitmotiv c'est très très gore quand même, mais alors par contre, on a une superbe esthétique et une musique à tomber par terre, et une difficulté assez élevée, mais ça vaut le coup de s'y intéresser. Est-ce que tu peux répéter le nom du jeu ? Infernax. Ouais, parce que là, ça me dit rien. J'ai commencé une petite série de Let's Play dessus mercredi. J'en profite pour faire ma petite pub au passage. D'accord, alors je vais regarder de suite parce que le titre me dit quelque chose, mais voilà, j'ai dû passer à côté. Donc voilà, je le note. Il est disponible sur toutes les plateformes En ce moment, il est sur le Game Pass, mais j'ai vu qu'il était sorti sur Switch. Donc, s'il est sur le Game Pass, il est sur Xbox, forcément, et sur PC. Et il y a que ah oui, sur d'accord, PlayStation je vois de Switch. Je ne sais pas. Mais Switch, oui, il est sorti. D'accord, bon bah... Il est sur PC, sur Steam. Et sur Steam. Oui, oui, il est forcément sur PC, puisque je l'ai sur Game Pass PC, donc c'est sûr qu'il est sorti. D'accord, bon bah... Et d'ailleurs, la Switch a un bon petit réservoir de jeux indés aussi, je trouve. Vraiment... Ben, je suis à deux doigts de craquer pour cette console, justement pour l'aspect indé, pour ces titres aussi, ou des titres un petit peu de niche, comme des jeux de flipper. Ah oui, il paraît qu'elle est très bonne pour les jeux de flipper. J'ai pas essayé, mais elle a bonne réputation pour ça. Oui, c'est pour ça que la Switch va peut-être être ma prochaine console de salon, en tout cas, pour changer. Alors, il y aura forcément des gros titres aussi de la Switch, mais bon, comme j'ai un train de retard sur les jeux vidéo, donc je vais plutôt... revenir un peu à l'époque de la GameCube en adaptant un peu la Switch et puis avec une série de jeux qui va me plaire, en tout cas pour la sélection indé. Ah oui, indé, il y a à se faire plaisir, je crois qu'il y a Céleste, il y a Dead Cell aussi qui est dessus. Oui, il y a beaucoup de titres voilà, qui me tentent, qui me tâtent le terrain, donc je vais remédier. Eh bien écoutez, voilà, je pense que tout est dit. Non, je crois qu'il y a le corbeau qui n'a pas fait sa recommandation. Il est peut-être... Ah si, il est encore là. J'ai cru qu'il s'est endormi. Non, il est... Voilà, hein. On fait venir des invités et on oublie les anciens. Ah non, j'ai oublié, justement, je vais rappeler. Alors moi, Marocco, ça serait... Bah tiens, c'est pas un film, c'est plus une série. C'est... Je pense que Nostalgique va être d'accord avec moi. C'est Reacher. Voilà, c'est une série qui est sortie sur Amazon. Qui est très ramassé, 8 épisodes. Délicat, tout en finesse. Tout en finesse et en délicatesse, quoi. Et qui se regarde très très bien. Hein. Ça passe à une vitesse incroyable. C'est bien réalisé. L'acteur est charismatique au possible. C'est du tout bon. Vraiment, on peut. Et ça se regarde en deux coups de cuillère à peau. Mais c'est du divertissement de très bonne qualité. Alors ça se regarde pas avec tout le monde. Par contre, la violence, elle est violente. C'est crade. Oui, il y a du pétage de bouche et de l'éclatage, quoi. Mais bon, ça se regarde pas avec tout le monde, mais ça se regarde bien. Ah oui, ça se regarde très bien. C'est vrai que c'est très sympa. Et l'acteur, au départ, j'étais surpris, mais dans les 5 premières minutes, quand t'as l'habitude du film, enfin, l'habitude entre guillemets, quand t'as vu les films avec Tom Cruise, et là que tu vois l'espèce de colosse de plus de 2 mètres, tu dis, c'est pas le même gabarit, ça fait bizarre. Et au bout de 10 minutes, c'est bon, tu t'y es fait, tu te dis, en fait, Tom Cruise, c'était moins bien. C'est ça. Sans vouloir tacler Tom Cruise particulièrement cette fois, mais. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il a redéfini le personnage et voilà, c'est encore plus. En fait, c'est plus cohérent par rapport au bouquin et par rapport aux capacités du personnage qui est vraiment une force de la nature. Monstre. Ouais. Moi, j'ai vendu, je l'ai pas vu. N'hésitez pas à regarder, ça vaut le coup. Bah, si t'as Prime, ça peut être l'occasion. Oui, je vais retenter Prime aussi, en complément de Filmo TV qui a un mois d'offert, donc ça va permettre un peu de récupérer un peu des films et de sortir des sentiers battus, de l'horreur ou des films d'action. Donc t'as des bons fonds de catalogue sur Prime. Oui, mais bon. C'est autant faire une association des deux, proposer un petit peu divers choses hors des séries ou des films du moment, et puis parce que Amazon Prime, bon, y a le côté The Boys, il y a le côté Edith Sim qui m'intéressait tout de suite, en fait. C'est vrai que ça va. C'est pour ça que j'ai pris le mois Alexei, qui reste d'ailleurs l'une des meilleures séries d'animation actuellement. Et puis bon, après, on a les côtés français qui m'intéressent pas du tout. Il pique un peu le côté français sur Prime, faut connaître, c'est pas le meilleur. J'ai eu récemment une promo pour le dernier film de Sophie Marceau. Oui, et encore, je pense que c'est pas le pire du lot. Hein. Non, bon, ça va, encore, Sophie Marceau, ça va. Alors, ça dépend des films, mais ça va, je vais me laisser tenter par Sophie Marceau pour un changement de registre, parce que les trucs de Kev Adams, tout ça, non. Non, déconnecté, tout ça, j'ai pas supporté, j'ai arrêté le visionnage au bout de 30 minutes, c'est vraiment pas... Oh, t'aimes te faire du mal, t'es pire que nous, là. Non, il faut se laisser tenter quand même, hein, parce que le côté méga promo, je rappelle qu'on a eu droit à l'horrible film de Kyron sur César, le truc... Oui, je vois, t'as essayé ce truc-là? Bah, j'ai tenté ce truc-là parce que le Cairon était plutôt bon dans le côté humour ou dans le côté de ses précédents films. Mais là, c'est plutôt une catastrophe en soi, mais j'attendais quand même quelque chose de plus loufoque. Et bah, finalement, même là, je me laissais tenter par un film qui m'intéressait déjà de base, qui devait sortir au cinéma et que finalement, bah, Amazon Prime a récupéré le coup. C'est pas la seule tentative. Puis après, pour le reste, une promotion assez massive pour ces films-là français ou les programmes français qui ne m'intéressent pas. Donc, ça va pas haut. Bah, m'enchante pas. Donc, j'ai pas forcément envie de me taper du Kevin Adams ou d'une espèce de storytelling. Ouais, non, je suis pas plus vif guisé. Encore moins Nabila. Putain, c'est vrai qu'ils ont fait une série sur Nabila, la honte. C'est une série de documentaires sans filtre. C'est pas la seule, mais en tout cas, c'est celle qui était mise en avant. Il y a un public. il y a un public, ça peut s'arrêter. Voilà, mais Amazon Prime, on oublie qu'il y a The Boys qui est réservé à un auditoire averti, mais qui est quand même une série assez fantastique et puis exceptionnelle aussi dans le côté action et puis. La série que vous avez dit Witcher, oui, qui est vachement Witcher bien. Aussi, et il y a aussi Jean-Claude Van Johnson, qui est très sympathique. Oui, ça, par contre, c'était la plus grosse surprise, parce que j'avais beaucoup de réserves sur cette série, et c'est dommage qu'ils n'ont pas poursuivi, d'ailleurs, par une autre saison. J'avais drôle envie. Et touchant. Ouais, c'était drôle et touchant. Je serais tenté par une ou deux saisons supplémentaires, ça aurait largement été suffisant pour ce type de série. Je pense traîner en longueur, ça aurait été assez indigeste. Il fallait faire peut-être juste une saison supplémentaire. Le concernant. C'est vrai. C'est vrai par rapport à une série. Ça m'a un peu manqué quand ça s'est arrêté. Tu vois, je suis dommage. Ouais, voilà. Là, par rapport au côté méga promo des autres trucs que je ne tairai les noms parce que non. Là, tu vois, c'était une série que j'avais une impression un peu mitigée. Et finalement, j'en suis ressorti grandi. Et c'était le meilleur truc qu'avait proposé en contenu exclusif sur Prime. Ouais, effectivement, au départ, ouais. Ouais, voilà. Donc voilà, Prime, c'est un peu à boire et à manger. Hein. Donc il faut vraiment faire le tri suivant nos préférences et les goûts, et puis éviter le côté ultra pompeux, le côté méga promo, de pas mal de trucs français que finalement on oublie assez vite. Hein. Je vais remémorer le film de Cairon, mais vraiment, non. Et pourtant, ils en ont fait un gros battage, hein, mais c'est vrai que ça, c'est bien. Ouais, gros battage pour beaucoup de films. Un truc avec Cam Adams aussi, ils ont fait un battage monstrueux, mais personne n'avait envie de le voir. C'est un truc haché, rabattu, qui va très mal vieillir, avec des codes esthétiques que... Bah, forcément, si t'es pas dedans, bah, t'es complètement laissé à carreau. Je me rappelle même pas de ce qui s'est passé dans ce truc-là, donc... Je vous ai laissé avec une impression un peu de froid. Ah non, c'est pas ça, c'est que du coup, le truc de Cairon, je peux même pas en parler, parce qu'en dehors de l'imbord d'annonce, je n'ai jamais vu. C'est catastrophique, c'est une tentative de relancer un peu un humour loufoque à la Kaamelott, mais avec des... un côté pince sans rire ou je ne sais pas trop, j'ai pas adhéré. Il y a quelques acteurs de distribution plus ou moins grande qui surnagent un peu, mais non, à fuir. Bah écoute, je comptais pas le voir, mais je compte toujours pas. Du coup, tu m'as bien dévendu. Bah le battage médiatique aussi du côté confinement qui devait sortir en salle, et puis la réception assez mauvaise de part et d'autre de tout le monde a fait que finalement c'était pas bon, c'était pas le bon projet pour lui, donc voilà, tant pis. Tant pis, il fera autre chose de mieux la prochaine fois. Voilà. Ok. Eh ben messieurs, je pense qu'on va arrêter l'émission là, sur ces bonnes recommandations. Donc, évitez Cairon sur Prime, et allez voir Richard. Évitez les trucs français trop survendus sur Prime, surtout. Oui, c'est vrai, parce qu'à chaque fois qu'ils ont un truc survendu, ça merde. Ouais, voilà, où personne ne s'en rappelle au bout de 4 mois après. Hein, donc, Ou s'en rappelle pour de mauvaises raisons. C'est ça. Et puis, bah écoutez, on va se dire à une prochaine fois. Alors, pour Podcorn, je sais pas trop comment l'émission va muter, mais elle va changer. Et donc, je peux pas dire quand est-ce qu'on va se revoir, mais on se reverra. Et bah messieurs, je vous remercie d'être venus discuter avec moi de l'Aube Rouge. Bah, c'est un plaisir. C'est un plaisir aussi. Et ben, on se dit à une prochaine fois. Salut à tous. Salut.